Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, c'est le moment de continuer à fabriquer notre histoire. Grâce à vos votes de la semaine dernière, Zélie et sa mamie ont réussi à pénétrer dans le laboratoire d'analyse grâce à une pelote de laine spéciale qui leur a permis de faire fondre le caramel qui bloquait la porte. Elles vont découvrir que c'est à cause du venin d'une étrange araignée que toutes les tricoteuses du QG sont devenues zinzin. Enfin, étrange, pas vraiment. Parce que cette araignée-là ressemble drôlement aux araignées qu'elles ont croisées dans le manoir des ombres. Et comme Kindless a été transformé en l'une de ces araignées à la fin du dernier épisode, peut-être que c'est lui qui est derrière tout ça. Mais il y a plus urgent que de trouver le coupable. Il faut soigner toutes les tricoteuses et vite. Grâce à tout le matériel du laboratoire, Zélie et sa mamie vont fabriquer un antidote et soigner tout le monde. Tout est bien qui finit bien ? Pas vraiment. Il reste encore à trouver l'araignée responsable de tout ce bazar. Et là, alors qu'elle se demande comment débusquer une si petite bestiole dans un si grand QG, une explosion tonitruante fait tout vibrer. Cela provient du hangar, où sont entreposés tous les gadgets des tricoteuses. Zélie et sa mamie y foncent, et découvrent un robot araignée laineux géant en train de tout détruire. Robot piloté par une minuscule araignée dont la voix ne laisse planer aucun doute. C'est Kindless ! Et là, je vais vous demander quelque chose de très très important. Vous allez devoir me dire comment Zélie et sa mamie vont venir à bout de cet horrible robot. Et, parce que grâce à vous, elles vont gagner, c'est certain, vous allez devoir choisir comment elles vont empêcher Kindless de s'échapper, alors qu'il est toujours transformé en une minuscule araignée. Pour me le dire, rien de plus simple. Rendez-vous sur telming.com/lph. telming.com/lph. J'espère que vous serez encore nombreux à participer. J'ai trop hâte de lire vos réponses et d'écrire la fin de l'histoire. Je vous embrasse et je vous dis à mardi prochain.